L'idolâtrie est si rampante aujourd'hui que les chrétiens s'y prêtent parfois sans s'en rendre compte. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Nous avons tendance à penser que, pour adorer une idole, nous devons nous agenouiller devant une statue décorée d'or et de pierres précieuses. Or, l'idolâtrie a évolué avec le temps au point de devenir très sournoise. La puissance, le plaisir ou l'argent sont par exemple le point de mire de nos sociétés. Les idoles se sont donc assurées la dévotion d'un peuple nombreux. Aussitôt que nous permettons, en effet, à une personne ou à une chose autre que notre Seigneur Jésus-Christ de capter notre attention, nous laissons Satan nous distraire et nous attirer dans une fâcheuse position. Considérons alors sérieusement l'avertissement de notre enseignant Charles Stanley. Il nous avertit des conséquences si on laisse la porte ouverte aux puissances démoniaques. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 14 à 22, après nous avoir enseigné sur la tentation, l'apôtre Paul nous prévient des dangers de l'idolâtrie. Versets 14 et 15. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Il établit dans les versets suivants une comparaison entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Continuons notre lecture au verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Il parle ici de la table du Seigneur. Lisons maintenant le verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Il fait référence aux offrandes de sacrifice de l'ancien culte israélite, où l'on immolait des animaux devant l'autel et à la signification rattachée à ce culte. Verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Il parle ici des sacrifices païens. Verset 20. Je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Cela signifie que nous ne pouvons pas en même temps participer à la table du Seigneur tout en vouant un culte aux démons. Verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Pour bien comprendre ce passage, nous devons nous replonger dans le contexte de l'époque. Dans la ville de Corinthe, où habitaient les destinataires de cette épître, il se trouvait une acropole où plusieurs temples avaient été érigés aux idoles. Les peuples anciens offraient des animaux en sacrifice à leurs dieux. Les prêtres gardaient une partie de la viande provenant de la bête offerte en sacrifice, une autre partie était brûlée sur l'autel et la personne qui avait offert la bête en sacrifice en gardait une autre partie. Cette dernière utilisait parfois la viande pour un festin. On croyait alors qu'après avoir offert cette viande à un dieu quelconque, il pénétrait dans cette viande. Cette croyance était au centre de leur adoration. Et quand, pendant le festin, les gens mangeaient la viande, le dieu, à présent dans la viande, prenait possession d'eux. Et l'apôtre Paul déclare ici que toute adoration vouée aux idoles est démoniaque. Cela signifie que les cultes idolâtres trouvent leur origine chez Satan. C'est ainsi que les puissances démoniaques sont libérées dans le monde à un certain degré. Comme Paul l'explique dans le sixième chapitre de son épître aux Éphésiens, les principautés et les puissances démoniaques sont toujours impliquées et font toujours partie des cultes idolâtres. Et en gardant cela à l'esprit, l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de la ville de Corinthe qu'ils ne peuvent pas participer à des festins d'idoles pour ensuite venir s'asseoir dans la maison du Seigneur et s'approcher de sa table. on ne peut participer au culte d'idoles et en même temps adorer le seul vrai Dieu. L'apôtre Paul ne veut pas dire qu'il est physiquement impossible de faire une telle chose, mais il nous fait comprendre que cela est en contradiction avec tout ce que nous croyons en tant que chrétiens. Voyons maintenant en quoi ces choses nous concernent aujourd'hui. Ces choses s'appliquent-elles encore, même si nous n'avons plus de festin idolâtre comme il y en avait à cette époque? Bien sûr, nous n'offrons plus de sacrifices aux idoles comme à l'époque de l'apôtre Paul, mais soyons réalistes. L'idolâtrie est si rampante aujourd'hui dans nos sociétés que même les chrétiens s'y laissent prendre et s'y prêtent même parfois sans s'en rendre compte. Il n'y a donc aucune différence avec les cultes évidents du passé. Nous leur donnons des noms différents, ce qui fait en sorte qu'elles sont moins manifestes du point de vue physique, mais elles n'en demeurent pas moins existantes et évidentes. Dans ce passage, Paul fait référence au culte des idoles et le met en parallèle avec la table du Seigneur. Pour bien comprendre ses paroles, relisons le verset 16. « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? La coupe de bénédiction est le vin ou le jus de raisin que nous buvons lors de la communion. Nous observons par là le commandement de Jésus en sa mémoire. Quand nous répondons à son invitation et que nous participons à la table du Seigneur pour partager son corps, le pain que nous mangeons et le jus de raisin qui symbolise son sang, nous communions avec lui. Ce rituel que nous observons revêt une valeur sacrée aux yeux de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous prévient de ne pas nous approcher de la table du Seigneur d'une manière inadéquate. La question est de savoir avec quelle attitude nous devons nous présenter à la table du Seigneur. C'est le principe que nous devons retenir de l'enseignement de l'apôtre Paul dans ce passage. Faisons la mise en situation suivante. Imaginons que vous soyez un homme ou que vous fassiez partie d'une famille vivant dans la ville de Corinthe. Il y a environ 2000 ans de cela. Vous entrez dans un temple d'idole pour offrir un sacrifice d'animal. Vous mangez ensuite la viande de cet animal. Et puisque vous croyez que votre Dieu est entré dans l'animal pendant votre sacrifice, il habite maintenant en vous puisque vous l'avez mangé pendant votre repas. Par la suite, vous entrez dans une église chrétienne et vous participez à la table du Seigneur. Or, dans ce cas précis, Christ n'est pas vraiment dans le pain et dans le vin. Il s'agit simplement d'une cérémonie pour commémorer l'événement de sa crucifixion, conformément à son commandement de l'Évangile selon Luc, chapitre 22, verset 19. Ensuite, il, en parlant de Jésus, prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Ce n'est pas quand vous mangez un aliment transformé par magie que Dieu entre en vous. Il fait sa demeure en vous quand vous l'acceptez par la foi. L'apôtre Paul savait que si une personne se prêtait à l'idolâtrie en pensant manger un dieu en même temps qu'un aliment, elle risquait de laisser la porte ouverte aux puissances démoniaques. C'est pourquoi il a établi une distinction très nette entre la transsubstantiation démoniaque et le mémorial chrétien. Nous ne parlons donc pas ici seulement d'un acquiescement intellectuel, mais bien d'une participation active, c'est-à-dire d'une participation spirituelle, d'une implication, d'une intimité entre notre esprit et notre âme, d'une part, et la mort et la résurrection de Jésus-Christ, d'autre part. Quand Christ est mort, nous, croyants, sommes morts avec lui. Quand il a été enseveli, nous l'avons été aussi. Et quand il est ressuscité, nous avons également été ressuscités. Tout cela origine de la foi. Et en quoi consiste la table du Seigneur? En l'expression de notre foi. Nous disons, « Jésus-Christ, je t'adore. Tu vis ta vie en moi. » Et en posant ce geste symbolique de la communion, je réaffirme et je me rappelle cette vie, ta vie, en moi. Il n'y a rien d'anodin ou de banal dans ce geste, et si vous le considérez comme tel, vous aurez des problèmes. Parce que l'apôtre Paul dit « Ce que les païens pensent sacrifier à leur Dieu, ils le sacrifient aux démons. » Car il n'existe qu'un seul Dieu. L'idolâtrie puise sa source chez Satan et ses démons, et ceux-ci veillent sur toutes les formes d'idolâtrie et les protègent. Toute forme d'idolâtrie est démoniaque et Satan et ses démons envahissent le marché. Aussi, quand une personne décide d'adorer autre chose que le seul vrai Dieu, elle ouvre toute grande sa porte aux puissances démoniaques. Nous avons jusqu'à maintenant dégagé le principe des enseignements de notre passage biblique. Demandons-nous à présent comment nous pouvons appliquer ce principe aujourd'hui. Les pratiques démoniaques les plus évidentes sont l'astrologie, la magie et la sorcellerie. Or, la plupart d'entre nous ne pratiquent pas ces choses-là. Vérifions donc plutôt d'où peuvent provenir les dangers. À quoi pourrions-nous participer? Quelle porte laisserions-nous ouverte? Quel jeu ferions-nous ou quel intérêt particulier pourrions-nous manifester? Autrement, quels moyens Satan pourrait-il utiliser contre nous et malgré nous? Certains pensent qu'il n'est pas nécessairement mauvais de boire de l'alcool. C'est peut-être votre avis, mais si l'alcool n'a rien de démoniaque, pourquoi alors tant de gens perdent-ils tout contrôle lorsqu'ils en consomment? Pourquoi l'alcool les affecte-t-il et les détruit-il physiquement, émotionnellement ou spirituellement? Nous pourrions également parler de l'usage des drogues illégales. Pourquoi? Car si nous pouvons observer le travail des puissances démoniaques, c'est bien quand une personne s'ouvre à l'utilisation de ces drogues. Un des objectifs de l'enseignement d'aujourd'hui est de distinguer la possession démoniaque de l'obsession démoniaque. Il existe en effet une différence entre être attaqué de l'extérieur d'une part et être habité par des puissances démoniaques au travail à l'intérieur de nous d'autre part. Je ne pense pas qu'un véritable croyant puisse être complètement possédé par des puissances démoniaques. Par contre, nombreux sont ceux parmi le peuple de Dieu qui éprouvent de véritables problèmes et ne comprennent pas pourquoi ils vivent de telles difficultés. La réponse est simple. Ils ont ouvert la porte aux puissances démoniaques. Vous pensez peut-être que je vois trop de démons. Il n'en est rien, car ils sont partout et plus nombreux qu'on ne le pense. Par exemple, on vit à l'heure de la perversion sexuelle sous toutes ses formes. Pourquoi? À cause de Satan, qui cherche à nous détruire. On ne peut pas imaginer plus démoniaque que la perversion sexuelle, car elle détruit la pensée humaine, les émotions humaines et, ultimement, le corps humain. Elle détruit la famille et les relations. Et rappelons-nous que Satan éprouve de la haine pour la famille. Et pourtant, beaucoup de gens aujourd'hui défendent toutes ces choses, car ils ne réalisent pas qu'ils sont eux-mêmes trompés et qu'ils en trompent d'autres. Une des stratégies favorites de Satan et de ses puissances démoniaques pour attaquer un croyant est de le rendre confus. Car une personne embrouillée se laissera facilement tromper. Et en peu de temps, la victime se trouvera en train de défendre l'idée qu'elle rejetait peu de temps auparavant. Voilà comment le démon agit. Un autre mode d'expression privilégié des puissances démoniaques est la peur. Il provoque des angoisses horribles qui parfois affectent même le corps. Ici, nous devons quand même être prudents et faire preuve de discernement. Car nous aimerions parfois tout mettre sur le dos du diable. Or, nous devons assumer nos responsabilités. C'est pourquoi je tiens quand même à dire ceci. Nous devons faire preuve de vigilance, car même si nous ne pouvons être possédés par un démon, si nous sommes nés de nouveau, nous pouvons tout de même être obsédés par certaines choses, car ce que Satan désire par-dessus tout, c'est rendre un enfant de Dieu esclave. Aussi, nous devons vivre séparés de certaines choses, comme l'apôtre Paul le mentionne dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. « Abstenez-vous de toute espèce de mal. Mes amis, je vous supplie de ne pas toucher, ne serait-ce que du bout des doigts, tout ce que le Saint-Esprit vous dévoile comme étant une appât satanique. Je m'adresse ici spécifiquement aux parents. Vous pensez peut-être, par exemple, que quelques bières ne peuvent faire de mal à personne. C'est ce qu'un diacre m'a déjà dit un jour. Et un an plus tard, il s'est retrouvé dans mon bureau à pleurer à chaudes larmes. Son fils était à l'université et il ne faisait que boire innocemment quelques bières. Il était vraiment dépendant à l'alcool et dans le pétrin. Il a fini par se faire renvoyer de l'école. J'ai donc demandé au diacre, « Votre fils, vous a-t-il déjà vu boire ?» Il a baissé la tête et m'a répondu, « Oui, mais je lui avais enseigné à ne pas le faire. » C'est faux. Il lui avait enseigné à le faire, car un père enseigne à son enfant par ses actions, non par ses paroles. Un enfant apprend par imitation et il imite votre comportement. Aussi, vous vous bercez d'illusions si vous pensez que vous pouvez enseigner à vos enfants à ne pas faire quelque chose que vous faites vous-même. Et selon mon expérience, ils le feront habituellement davantage et plus longtemps que vous. J'aimerais simplement vous poser cette question. Vous approchez-vous de la table du Seigneur pour le servir et l'adorer? Et en même temps, participez-vous à des activités dont le but ultime est la destruction du peuple de Dieu? Je ne peux pas être la conscience du monde, et je ne veux pas l'être, mais je puis vous partager ce commandement de la parole de Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, « N'aimez point le monde, c'est-à-dire cette société sans Dieu, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous explique que nous ne pouvons pas servir Dieu et le monde. Et l'apôtre Paul nous affirme que nous ne pouvons pas venir à la table du Seigneur pour l'adorer après avoir passé du temps avec nos idoles. Cela serait une contradiction en soi. En nous approchant de la table du Seigneur, nous nous identifions avec Dieu. Nous reconnaissons notre appartenance à Jésus-Christ et en prenant symboliquement son corps et son sang, nous l'adorons. Nous nous prosternons devant lui. Nous reconnaissons qu'il est notre Dieu. Je ne peux pas être votre conscience, mais j'ai la responsabilité de vous avertir et d'avertir vos enfants, afin que personne ne se laisse prendre à un piège qui pourrait ultimement détruire sa vie. L'apôtre Paul nous fait comprendre ici qu'il est absolument inconvenant pour un enfant de Dieu de se laisser mêler à tout ce qui concerne les puissances du mal. L'apôtre Paul souhaite que nous ne participions pas au culte voué à Satan, et bien sûr, je livre ce message aujourd'hui dans le même but. J'aimerais terminer cette émission en vous proposant quelques questions que vous devez vous poser pour éviter de tomber dans tout ce qui touche aux forces démoniaques. Elles pourraient s'avérer très utiles à vous et à vos enfants si vous voulez rester en accord avec la volonté de Dieu. Vous pourriez même les prendre en note si vous le voulez. Premièrement, si vous vous trouvez dans une position inconfortable, parce qu'on vous propose quelque chose de pas très net, posez-vous cette question. Cette activité rendra-t-elle gloire à Dieu? L'honorera-t-il? Son nom sera-t-il magnifié par elle? Reflèterai-je son caractère si je participe à cette activité? Car ce sont là les paroles de l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Personnellement, je ne crois pas que boire de l'alcool rende gloire à Dieu. Je ne crois pas que vous puissiez regarder une revue ou un film pornographique pour la gloire de Dieu non plus. Rester assis devant la télévision à regarder des émissions grossières ne l'honorera pas davantage. Il n'y a aucune excuse à un tel comportement. La première question à se poser est donc, cela rendra-t-il gloire à Dieu? Deuxièmement, demandez-vous, cela est-il utile et profitable à ma vie chrétienne? Cela m'aidera-t-il dans mon cheminement spirituel? Cela m'aidera-t-il à grandir dans ma foi? Cette question à elle seule réglera beaucoup de choses. Troisièmement, cela m'édifiera-t-il en tant que croyant? En d'autres mots, cela me formera-t-il? Pouvez-vous me dire quel homme sera édifié en buvant, en prenant de la drogue et en regardant des films érotiques? Aucun. Et folâtrer, courir et vous amuser avec les gens qui s'adonnent à ces choses non plus. Ces activités ne pourront jamais édifier un croyant. Quatrièmement, cette activité pourrait-elle faire de moi un esclave? Cette activité a-t-elle le potentiel de me conduire sur la pente de l'intoxication et de l'esclavage? Cinquièmement, cela me fortifiera-t-il contre la tentation? Cette activité servira-t-elle à me rendre plus fort et plus résistant à la tentation, ou me conduira-t-elle à m'y complaire? Car Jésus nous a enseigné à prier ainsi, « Ne nous induis pas en tentation ». Et si nous y succombons, nous prions pour que Dieu nous donne la victoire sur elle. Sixièmement, cette activité caractérise-t-elle Dieu ou le monde? Ces quelques questions rendront vos décisions plus faciles à prendre devant une grande variété de situations. Appliquez-les dans votre vie et enseignez-les à vos enfants pour la plus grande gloire de Dieu. Voici comment la plupart des gens souhaiteraient vivre leur vie chrétienne. Ils voudraient garder un pied dans ce monde et poser l'autre dans le royaume de Dieu. Beaucoup de gens aimeraient expérimenter cette manière de vivre. Or, je dois vous prévenir, cela leur est impossible. Laissez-moi vous dire pourquoi. Ils sont suffisamment charnels pour jouir des plaisirs du monde et ils connaissent Jésus suffisamment pour être malheureux s'ils vivent conformément au monde. Ils sont suffisamment charnels pour être malheureux quand ils essaient de vivre pour le Seigneur. Comme ils sont charnels, ils sont inutiles à Dieu et leur lueur spirituelle empêche le monde de leur faire confiance. Si quelqu'un qui se prétend chrétien fait des compromissions, Dieu ne l'utilisera jamais. De même, si les dirigeants et les enseignants d'une église font eux aussi des compromissions, il est impossible pour cette église d'être vivante. La mort spirituelle la menace et l'attend. Oh, cette église pourrait être grouillante d'activités glorieuses et très impressionnante aux yeux du monde, mais elle est en réalité morte, parce qu'il est écrit dans Ésaïe 52, verset 11, « Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. » Si on vous demandait d'expliquer ce qu'est une idole, que répondriez-vous? La Bible décrit une idole comme étant toute chose qui exige notre temps, notre énergie, et ce, au détriment de Dieu. Si l'enseignement de Charles Stanley vous a permis de réaliser que vous avez une idole et de l'identifier, alors débarrassez-vous de ce faux Dieu et retournez au seul Dieu digne de votre adoration, Jésus-Christ. Certaines pratiques, comme l'homosexualité, la prostitution et son dérivé moderne, la pornographie, sont clairement condamnées par la Bible. Elles l'ont toujours été et elles le seront toujours, que cela plaise à certains ou non. Toute personne née de nouveau reconnaît avoir offensé Dieu en pratiquant ces choses et se repent de ses erreurs. Ces pratiques sont à ce point nocives et sous l'influence du démon que toute personne s'y adonnant laisse dans son cœur une ouverture béante où le diable pourra facilement s'engouffrer. Une personne s'adonnant régulièrement à ces pratiques en deviendra à coup sûr l'esclave. D'autres pratiques, comme la consommation d'alcool, ne sont pas défendues par la Bible comme telles, mais nous serions bien avisés d'entendre l'exhortation de Paul dans le verset qui suit le passage d'aujourd'hui, 1 Corinthiens 10, verset 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Si toute consommation d'alcool était défendue par la Bible, Jésus n'aurait certainement pas changé l'eau en vin aux noces de Cana. Certains théologiens chrétiens ont prétendu que, lorsque Jésus-Christ parle de vin, il parle en fait d'un vin sans alcool. Cet avis ne semble pas partagé par le maître de cérémonie des noces de Cana, qui émet l'opinion suivante après avoir goûté le vin miraculeusement transformé par Jésus dans Jean chapitre 2, verset 10. « Tout homme sert d'abord le bon vin, Il parle ici du vin transformé par Jésus. Dans Jean, chapitre 2, verset 10, « Tout homme sert d'abord le bon vin. » Il parle ici du vin transformé par Jésus, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Toutefois, un chrétien devra s'avancer avec beaucoup de prudence sur ce terrain, et dans certains cas, par exemple celui d'un ancien alcoolique, l'abstention pure et simple sera effectivement la voie la plus sage. Certains chrétiens semblent incapables de prendre un verre sans en désirer un autre. D'autres n'éprouvent en cela aucune difficulté. Si vous appartenez à cette deuxième catégorie, la question est de savoir si, dans votre groupe, le meilleur témoignage consistera à contrôler votre consommation ou à décliner toute offre d'alcool. Encore une fois, le modèle de Jésus-Christ doit être déterminant. Et selon moi, dans les évangiles, Jésus consommait modérément de l'alcool sous forme de vin. Supposons maintenant que vous ayez réalisé que vous avez une idole dans votre vie, c'est-à-dire une chose ou une personne qui a usurpé la première place dans votre cœur, celle qui revient normalement à votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que faire alors? Le croyant jouit d'un avantage évident sur l'incroyant, car ce dernier n'a d'autre recours que de se concentrer sur la perte de sa mauvaise habitude. Le croyant, lui, peut se concentrer sur ce qu'il a perdu et qu'il doit regagner, une relation intime avec Jésus-Christ qui s'exprime par une soumission à sa volonté. Il nous est facile de permettre à autre chose qu'à Jésus-Christ de gagner de l'importance dans notre pensée, mais il est également dangereux de le faire. Les quatre premiers versets du quatrième chapitre de la première épître de Jean nous avertissent des mensonges de Satan. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. » C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.